Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je ne reçois ni un auteur, ni un éditeur, ni un bibliothécaire. Je reçois la librairie Plus belle les bulles, pleine de peps, représentée par Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Sarah. Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Je suis ravie aussi d'être avec toi cet après-midi. Merci beaucoup. Et puis surtout pour qu'on puisse un petit peu parler de cette belle aventure Plus belle les bulles. Alors, comme d'habitude, le concept de l'émission se déroule en 5 questions qui sont exclusivement dédiées à l'invité. Donc en l'occurrence, toi, Pauline. Et à la fin, il y aura des petites coupures musicales. Et à la fin, on fait ce qu'on appelle le caprice de la semaine, où je crois que tu as envie de nous présenter un livre qui a été un vrai coup de cœur pour toi. Oui, mon coup de cœur de 2021. Ok, alors on commence tout de suite avec la première question. Comment a commencé justement l'aventure Plus belle les bulles ? Alors, en fait, donc tout vient de Pascal, donc le patron de la librairie, qui était en réorientation professionnelle et qui a eu envie de faire de sa passion, qui était la BD, sa nouvelle profession. Donc, il a ouvert cette librairie sous franchise Album. Ok. On a ouvert le 14 mai 2010. Donc ça fait 12 ans maintenant. Donc au départ, on était, comme je le disais, sous franchise Album, dont le concept était en fait de lier toutes les BD existantes, c'est-à-dire BD franco-belge, manga japonais, comics américains, tout ça dans le même lieu, et puis d'y ajouter les produits dérivés de la pop culture, c'est-à-dire produits dérivés sur le cinéma, sur les jeux vidéo, sur les BD en elles-mêmes, voilà. Ok, donc tout ce qui est t-shirt, mug, tout ça, c'est du produit dérivé, les figurines, etc. Okay. Alors, quand on rentre dans la librairie, parce que moi je suis une novice totale, BD, manga, comics, etc. Alors on sent tout de suite qu'on a une équipe soudée, ça fait presque petite famille, c'est très humain. Et en plus, on n'est pas pris pour, je dirais presque un arriéré, parce qu'on ne connaît pas une référence ou quelque chose comme ça. Et vous faites ça avec tous vos clients. C'est quoi le secret ? Comme si à chaque fois, vous vous réadaptiez à un nouveau membre de la famille, quelque part. Alors, je ne sais pas s'il y a un secret. Ce que je sais, c'est qu'on est parfaitement conscients, nous-mêmes, de ne pas tout connaître. On n'a pas du tout cette prétention. On connaît nos lacunes, on connaît nos forces aussi, mais voilà, donc quand quelqu'un ne connaît pas, il n'y a pas de souci. Nous non plus, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de jugement. Donc c'est ça. Aucun jugement, jamais. Il y a certaines boutiques qu'on arrive, on se dit « je ne connais pas ça ». En fait, Alors effectivement, nous, on n'a pas du tout... Alors ça peut nous être reproché parfois, mais on n'a pas du tout de côté élitiste. Ouais. Nous, le but, c'est que tout le monde se sente bien. Pour moi, la lecture, ça doit rester un plaisir. Moi, je m'en fiche de ce que les gens lisent, pourquoi ils le lisent, combien de temps ils mettent à le lire. Tant qu'ils prennent du plaisir, ça me va. Ouais. Moi-même, j'aime lire plein de choses différentes, de la même manière que j'aime regarder plein de cinémas différents, que je peux regarder une émission de divertissement et puis après regarder un film d'auteur. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pareil en lecture, donc pas à juger. Vous avez déjà ça en vous. C'est ça. En fait. En fait, et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne entre nous aussi et que chaque personne qui s'ajoute à chaque fois à l'équipe est dans cet esprit-là. Ouais. Et c'est pas un hasard en fait. C'est des, et en fait, c'est vous vous auto-alimentez quelque part. C'est ça, tout à fait. Hein, et du coup, nous, quand on arrive en tant que client, bah, on se sent bien. C'est ça, tout à fait. Et c'est super d'ailleurs. Ah oui, c'est chouette. Ça me fait plaisir. Mais effectivement, du coup, on a tous nos domaines différents, on s'apporte tous des choses. Et encore une fois, sans jugement. Ouais. Donc je pense que c'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est... Lisez pas même, si vous voulez, en fait, juste kiffer et après nous, ça nous va. Tant qu'il y a du plaisir. C'est ça, tout à fait. On fait une petite coupure musicale tout de suite avec BTS et on revient juste après. I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass boom. I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey. Yeah, this beat straight like money. Shining through the city with the light. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour la deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Pauline de Plus belle les bulles. Oui. Est-ce que ça va, Pauline ? Oui, très bien. Bon, alors troisième question. Vous avez fêté il y a quelques semaines, donc vos 12 ans d'existence. Ouais, on aurait bien voulu fêter les 10. C'était quand même plus sympa, c'était plus rond. Ça tombait pas très bien, quoi. Il s'est passé un petit truc au niveau planétaire qui nous a empêché de tout le monde faire. Voilà. Donc tant pis, 10 plus 2, ça le fait aussi. Mais c'était... Voilà, c'est sympa. Mmh. Alors, quels ont été les meilleurs moments ou les temps forts, en fait, de cette fête ? Alors, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a eu des meilleurs moments, même si, évidemment, les livres sur la place... sont marquants pour nous parce que c'est un moment de l'année qui nous sort de notre quotidien et tout et tout. Mais ce que je dirais qu'on retient principalement, c'est des rencontres plus que des moments. C'est des rencontres avec des clients qui viennent parfois, eux-mêmes depuis 12 ans, qu'on a vu grandir, changer. On a Vous avez vu des bébés qui sont devenus des ados. Tout à fait. On a vu des mamans enceintes et puis maintenant les grands viennent. Enfin, c'est incroyable. Bon, ça ne nous rajeunit pas, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le on jeu. On ne dit pas trop fort. c'est le jeu. Mais oui, et puis des jeunes qu'on a connus qui étaient lycéens, qui après ont eu leur premier job. Et enfin, voilà, c'est chouette. C'est une belle aventure humaine. Ouais, reflète aventure. Aussi hein, l'esprit de l'équipe. Moi, ouais, tout à fait. Ouais, et j'ai un moment en tête, là, c'est il y a très longtemps, ça devait être il y a 10-11 ans. On a un client qui arrive en catastrophe à la boutique et qui nous dit « Vite, ma femme est dans la salle d'attente, elle va accoucher. Moi, il me faut des bouquins. Parce que si c'est long... » Et donc, il est venu faire la razzia. Et donc, ça nous avait fait beaucoup rire. Et puis, bah, maintenant, on voit tout le temps le gamin. Ouais, c'est chouette. Voilà. Ouais, c'est plutôt ça, voilà. C'est plutôt... C'est plus que des moments, c'est des rencontres, ouais. Ouais. Vraiment. OK. Alors, justement, tu parlais du livre sur la place, hein, qui a un temps fort pour vous, ou même pour tous les professionnels du monde du livre, hein, sur Nancy et alentour. Vous avez déjà fait plusieurs expériences, livres sur la place. Comment vous préparez, ou est-ce que vous préparez déjà l'événement de la rentrée littéraire? Ouais, c'est déjà le cas, là. En fait, généralement, je commence à travailler dessus à partir de fin février, début mars, je dirais. Ah, quand même. Effectivement, il faut éplucher tous les catalogues auxquels on a droit, parce qu'en fait, on se partage entre libraires des éditeurs. D'accord. Voilà, donc moi, par exemple, j'ai les éditeurs, principalement, j'ai Jungle, Bambou et Glénat. Donc, je dois éplucher leur catalogue sur l'année, parce que ça doit être sorti, le bouquin doit être sorti entre la dernière édition et l'édition qui va se produire. Okay. Et donc, après, j'invite les auteurs qui m'intéressent. Voilà, donc tout ça, c'est assez long. C'est une grosse organisation. Il faut s'y prendre assez à l'avance parce que les auteurs sont très demandés. Donc, il ne faut pas qu'ils soient ailleurs au moment de notre festival. Donc, c'est plein d'étapes différentes qui sont toutes sympas quand même. Hein, ouais. Est-ce que tu peux nous donner le nom de certains auteurs qui seraient là ou tu n'as pas le droit de le dire? Ah, je ne sais pas. Juste un. J'en ai plusieurs, mais je pense que ce qui va plaire pas mal aux gamins cette année, c'est que je vais avoir Thomas Priou, qui est le dessinateur de la BD des Lapins Crétins. Ah ouais. Et ça, je pense que ça va être la folie. C'est clair. Mais j'aurai à peu près un peu plus d'une vingtaine d'auteurs, donc il y en aura pour tous les goûts. Ah, c'est bien. Donc, c'est chouette. Et puis, ça prend plutôt une bonne tournure, là. Les auteurs sont moins frileux de venir parce que c'est effectivement les dernières années, c'est compréhensible. Hein, tout le monde était. Et du un coup, peu, je me dis qu'en termes logistiques aussi, par exemple, je pense au poids des livres, à votre installation. C'est Là, je suis déjà en train de paniquer parce que je ne sais pas où est-ce que je vais stocker tout ce qui va arriver mi-août. Ouais. Mais on va trouver, on trouve toujours. Donc, Profite bien de tes vacances. Oui, merci. On fait une coupure tout de suite et on se retrouve pour la troisième partie d'émission. Prise de lecture sur Fadjet. Dernière question de mon interrogatoire musclé à Pauline de Plus belle les bulles. Interrogatoire terrible. Très musclé. Ouais, c'est terrible. Pauline, quels sont les projets donc, de la boutique, on va dire pour deuxième partie 2022-2023, que ce soit peut-être en termes logistiques ou en auteur invité, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût? Alors, en fait... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de continuer déjà ce qu'on fait, on va essayer de continuer de le faire bien. C'est déjà super bien. Voilà. Parce que là, du coup, on revient seulement en fait, à une situation à peu près normale en librairie. Donc, on va déjà faire ça. Et puis, effectivement, on va essayer de rebooster tout ce qui est animation qui était clairement en berne du fait du Covid. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien refaire des dédicaces. On aimerait beaucoup faire un petit salon jeunesse, littérature jeunesse dans le centre. Ouais. Se servir de la place qu'il peut y avoir dans le centre commercial pour faire un chouette truc. Donc ce serait des ateliers, des choses comme ça, jeunesse. Voilà, on aimerait bien faire des dédicaces, on aimerait bien inviter des auteurs jeunesse, on aimerait bien faire tout ça. Ce ne sera pas pour 2022, mais pour 2023, c'est on aimerait projet. Bien. Voilà. Ouais. Enfin, c'est un truc qu'on aimerait beaucoup faire. Okay. Donc, je pense qu'on va plancher là-dessus maintenant qu'on est un peu plus serein, parce qu'en fait, avant, on n'osait rien faire parce qu'on savait pas. Parce qu'on n'avait pas de visibilité. Voilà, c'est même ça. À deux mois, des fois, c'était terrible. Donc, c'est ça. Mais sinon, on va essayer de continuer à bien vous accueillir et puis, Ne changez rien. Faire des belles découvertes. Ne changez rien. Bah, super. On fait une dernière copie musicale et Pauline nous présentera son caprice de la semaine. Caprice de lecture sur Fadjet. Le caprice de la semaine nous est présenté aujourd'hui par Pauline de Plus belle les bulles. Pauline, c'est à toi. Alors moi, je voudrais vous parler d'une BD du coup qui n'est pas toute récente puisqu'elle est sortie l'année dernière. Ça s'appelle Le Jardin Paris. C'est chez Delcourt. Okay. Donc c'est dans la collection Mirage. C'est fait par une jeune autrice qui s'appelle Gaëlle Genillet. Elle avait fait qu'un ouvrage, je crois, avant. Et c'est insoupçonnable tellement le bouquin est incroyable. Ok. Il est aussi beau que l'histoire est chouette. C'est un bouquin, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas arrêtée sur des pages, c'est-à-dire arrêtée de lire pour les contempler. Ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est très délicat, il porte bien son nom, c'est un jardin, c'est plein de fleurs, c'est plein de... Comme un jardin secret C'est ça, très joli. En fait, c'est l'histoire d'un cabaret à Paris, où on a ce jeune homme qui vit là depuis toujours, puisque c'est sa mère qui est la tenancière de ce jardin, où les fleurs sont des danseuses qui se dénudent, comme dans un cabaret. Ouais. Et donc lui, il vit dans cette douceur et délicatesse, sensualité depuis toujours. Et puis en fait, du coup, il a été élevé comme ça et il a envie d'essayer. Donc c'est une très jolie histoire sur le genre, sur comment on se découvre quand on est adolescent, quand on se cherche, le regard des autres. Est-ce que ce serait un peu un écho, alors peut-être pas du tout, à Billy Elliot? Ce jeune garçon qui veut faire de la danse, un petit côté qui comme ça. D'accord. Et puis en même temps, il n'y a pas vraiment. Le livre est très délicat et n'est pas dans l'affrontement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gens qui le bousculent non plus. Okay. C'est juste, on regarde son parcours. Ouais. Y a également une histoire qu'on ne sait pas si elle est d'amour ou d'amitié entre un client qui vient le voir tous les soirs. Ils se lient tous les deux et puis au départ, on se dit tiens, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, on s'en fiche parce que c'est pas le sujet. Okay. Parce que c'est pas le sujet. Et franchement, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est un régal pour les yeux et aussi pour l'esprit. Okay. Moi, j'ai adoré ce On le trouve chez Plus Belle des Bulles. Oui, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, Pauline, sur ce témoignage du Caprice de la semaine. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que vous vous situez, votre Facebook, et si nos auditeurs ont envie de vous adresser un mail pour avoir plus d'infos? Alors, du coup, on est situé au centre commercial Saint-Sébastien. On est à l'étage. On est du côté d'Intersport, Alice Delys, à Fleulous, okay. Si ça peut vous aider à vous situer. En face de Nature et Découverte. Tout à fait. Voilà, voilà, on est dans ce coin-là. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre, bien sûr, par téléphone. Vous pouvez nous joindre par mail, vous pouvez nous joindre par le Facebook qui est Librairie Plus Belle les Bulles, tout simplement, okay. Par notre Instagram qui s'appelle Plus Belle les Bulles aussi, tout simplement. Vous avez plein de moyens de nous joindre, mais le mieux c'est encore de venir nous voir. Et je vous conseille d'aller en boutique, vous serez super bien reçu par une équipe dynamique et super conviviale. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir accepté cette invitation, c'était un vrai régal. Merci à tous d'avoir été présents et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir.